Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Marihuana boogie. ¿Para qué? Ahora el marihuana boogie. Yo digo marihuana boogie. Oh, marihuana boogie. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Money spent for love, love for money. نشبل من الأرض يا أرضنا في الشمس suspend the feeling. love them more like anyone else. You just think they're the greatest people on the earth. Thank you. Just n'est plus rien. Close your eyes. Stay with me and close your eyes. de feu, triste et seule dans une boîte de nuit, tournant au rythme des vers qui se vident et se remplissent. Je suis ton absence qui devient ma seule présence. Je suis l'espoir d'une fille, impétueuse et fatiguée du monde fou qui l'entoure. Je suis mes amours, mes peurs et mes chagrins. Je suis l'attente en mouvement. Un roman d'amour qui n'a pas encore été écrit. Je suis cette robe rose qui me fait danser dans les bars, légère et courte. Comme notre histoire. Je suis tes yeux bleus désormais lointains et les prochains. Je suis la nuit en cacophonie qui étouffe mes larmes pour les rendre plus jolies. Le bruit de mes pas marchant sur le trottoir mouillé dans la nuit noire et le silence assourdissant d'avoir trop espéré. N'a pas encore été écrit. We'll be right back. Thank you. Thank you. Elle arrive. Elle arrive, tissée de lumière, blonde de soleil. Marihuana boogie. Yo digo mari marihuana, mari marihuana boogie. Oh mari marihuana, mari marihuana boogie. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica.